Merci Mathieu, à la semaine prochaine. Lundi midi était présenté le second volet du sixième rapport du GIEC, volet consacré à l'analyse concrète des conséquences du réchauffement climatique, compilant des milliers d'études pour dresser un tableau précis de la catastrophe environnementale en cours. Mardi 1er mars, quasiment aucun des journaux télévisés ne s'en est fait l'écho. Dans un contexte évidemment dominé par la guerre en Ukraine, les enjeux climatiques doivent-ils pour autant passer au second, voire au dernier plan? Ce sera notre débat du jour. Nous parlerons également de la recherche de l'eau sur la Lune, de la domestication du maïs, et d'un algorithme de sécurisation de l'intelligence artificielle. Rapport du GIEC au lunaire, maïs sauvage et machine learning, c'est le programme complet qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce programme, rien de moins que l'essence même de ce que la vulgarisation scientifique francophone compte de meilleur sur le territoire. Et j'ai le plaisir d'accueillir un nouveau venu à cette table, Vincent Lucas. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas. Soyez le bienvenu. Vous êtes rédacteur en chef de Futura Science, la version papier, puisque vous venez de sortir un gros volume tout à fait passionnant en édition pour le moment annuelle, mais peut-être que ce sera amené à évoluer. Et nous sommes en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu Frequenza Mora à Bastia, avec Cécile Breton. Bonjour Cécile. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Rédactrice en chef du magazine Espèces et depuis la Suisse, le plus bayésien d'entre tous, c'est Lai Nguyen Wang. Bonjour Lai. Bonjour Nicolas. Auteur de la chaîne YouTube Science for All. Mais on commence par un tour complet de l'actualité scientifique riche et copieuse cette semaine. C'est avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Astronomy and Astrophysics. C'est une contre-découverte. Finalement, nous ne trouvons pas de trou noir dans ce qui devait être le trou noir le plus proche du système solaire. Il y a 2 ans, des astronomes ont cru avoir trouvé un système triple, HR6819, composé de 2 étoiles massives qui tournent l'une autour de l'autre et d'un 3e objet, plus loin, qui devait être un trou noir. Une découverte qui aurait dû être importante hein, puisqu'un trou noir proche de nous, à seulement 1000 années-lumière de la Terre, est plus facile à étudier. Une équipe internationale avait alors suggéré qu'il y avait peut-être une autre hypothèse, qu'il n'y aurait que 2 étoiles et pas du tout de trou noir. Les chercheurs ont continué les observations, mais avec une autre technique, l'interférométrie du Very Large Telescope Interférometer de l'ESO, qui permet de transformer des télescopes éloignés en un seul télescope, et ce qui crée des images beaucoup plus fines. Il n'y a finalement pas de trou noir dans ce système, mais on observe un phénomène rare, le vampirisme stellaire, ou quand une étoile en mange une autre. Uxana est professeur à l'Académie Cullowhan, il a dirigé cette étude. Le vampirisme stellaire, imaginez que vous avez une étoile isolée, une étoile toute seule. Au cours de sa vie, cette étoile va devenir de plus en plus grosse. Donc ça, c'est ce que toutes les étoiles font. Le Soleil le fera également, il se transformera en géante rouge d'ici à peu près 5 milliards d'années. Maintenant, si vous n'avez pas une seule étoile, mais vous avez 2 étoiles qui sont proches l'une de l'autre, donc elles orbitent l'une autour de l'autre dans un système binaire, si l'une des étoiles commence à devenir de plus en plus grosse, à un moment donné, il n'y aura pas assez de place dans le système binaire pour autoriser cette étoile à devenir aussi grosse qu'elle veut. Et l'enveloppe extérieure de l'étoile va quitter la zone d'influence gravitationnelle de la première étoile pour entrer dans la zone d'influence gravitationnelle de la seconde étoile. Et donc cette deuxième étoile va attirer à elle, sucer l'enveloppe de la première étoile. Et c'est ce qu'on pense maintenant, c'est qu'on observe le système juste après que la deuxième étoile ait aspiré l'enveloppe de la première étoile. C'est une phase assez courte dans la vie d'un système binaire, donc qui est très difficile à voir. Et donc ici, on est assez content finalement parce qu'on a trouvé un de ces systèmes qui va nous permettre d'étudier les propriétés des étoiles juste après que l'une d'entre elles ait perdu son enveloppe et que cette enveloppe ait été aspirée par la deuxième étoile. comme on vient maintenant de trouver un de ces systèmes binaires dans une phase très difficile à observer, donc très rare, on va pouvoir maintenant utiliser ce système comme un benchmark, donc une pierre angulaire des études d'évolution de systèmes binaires. Et alors, ce que je voulais rappeler pour vos auditeurs, c'est que il y a aussi maintenant à peu près une dizaine d'années, on a découvert, ou en fait on a compris pour la première fois, que toutes ces étoiles massives qui vont donner lieu aux supernovas, aux étoiles à neutrons, aux trous noirs, en fait ne vivent pas leur vie comme étant isolées, mais vivent leur vie dans des systèmes binaires où justement ils échangent de la masse avec leurs compagnons via ce phénomène de vampirisme. Et donc, comme c'est le chemin d'évolution principal des étoiles massives, il faut absolument qu'on l'étudie de façon précise, et cet objet-ci, HR6819, va nous permettre de tester nos modèles. Voilà, et si vous voulez tout savoir sur ce trou noir qui n'en était pas un, vous pouvez retrouver l'étude initiale ainsi que toutes les autres études, comme tous les jours, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. En bref, Natacha, la guerre en Ukraine a bien évidemment des conséquences sur les programmes spatiaux français et européens. Oui, le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, a communiqué un bilan des conséquences de cette guerre sur sa coopération avec la Russie. L'agence spatiale russe Roscosmos a suspendu les lancements de Soyouz depuis le Centre Spatial Guyanais. Une reprogrammation des lancements institutionnels européens est donc en cours. Le lancement de la mission spatiale ExoMars, avec une fusée Soyouz, est compromis. Prévu en septembre, il risque d'être reporté à 2024. Néanmoins, la coopération internationale dans l'ISS est maintenue et les programmes scientifiques à bord se poursuivent. Voilà, et puis après l'annonce du CNRS de l'interruption des collaborations avec les programmes scientifiques russes et biélorusses, nous consacrerons jeudi prochain une émission spéciale à la science en temps de guerre pour essayer de comprendre justement comment s'organise la recherche, comment elle continue, comment elle s'interrompt, bref, les conséquences de cette guerre en Ukraine sur le milieu scientifique. Ce sera donc jeudi prochain, petite croix dans votre agenda. On poursuit avec une étude parue dans la revue Nature Communications, une étude qui perce le secret de l'antibiorésistance chez Clostridium difficile, une superbactérie. Et l'antibiorésistance est devenue cette année l'une des principales causes de décès dans le monde. Clostridium difficile fait partie de ces superbactéries multirésistantes aux antibiotiques. Elle infecte l'intestin humain et peut potentiellement provoquer des infections mortelles. Alors, comme la plupart des bactéries, elle possède une enveloppe protectrice, un réseau de protéines bidimensionnelles, la couche S, la S-layer en anglais, qui recouvre la surface cellulaire et qui diffère d'une bactérie à l'autre. Une équipe américaine vient de caractériser sa structure de surface. Grâce à des images haute résolution, au niveau atomique, on découvre son armure protectrice. Il se trouve que la protéine principale, SLPA, qui structure la couche S, forme des maillons très étroits, exactement comme une cotte de maille. Maria Lima Laberki est microbiologiste, maître de conférence à Vétagrossup à Lyon et chercheuse au Centre international de recherche en infectiologie, le CIRI. Ce qu'ils ont mis en évidence, c'était exactement comment s'organiser cette couche S chez cette bactérie en particulier, en démontrant que, en fait, cette couche S, la façon dont elle se mettait en place, offrait finalement une très grande imperméabilité à la bactérie, notamment potentiellement à certaines enzymes qui pourraient détruire l'enveloppe bactérienne. Alors là, ils parlent de pores d'environ 10 angstrom de diamètre, ce qui semble, d'après les autres études qui avaient été menées, peut-être 10 fois moins en fait, des pores 10 fois plus petits que sur d'autres S-layers qui ont été décrites chez d'autres micro-organismes. C'est effectivement quelque chose qui était anticipé compte tenu des propriétés de résistance que confère en fait cette couche S aux bactéries, qui est connue depuis un certain temps. Donc en soi, l'article ne fait pas de révolution sur la S-layer. Ce qu'elle permet de faire, c'est de préciser son organisation chez cet organisme et éventuellement donc c'est par extension en fait peut-être son rôle dans la résistance à certaines enzymes de l'immunité comme le lysozyme. Effectivement, les études de structure sont toujours très informatives et permettent effectivement de consolider un certain nombre déjà de suppositions que l'on fait. Hein, et avant d'avoir la structure des protéines, eh bien, on reste dans le domaine des suppositions. Donc là, il y a vraiment cet intérêt-là et vient consolider donc d'autres études qui ont été menées chez certains micro-organismes. Après, en soi, en fait, elle n'est pas révolutionnaire dans le domaine de la microbiologie, mais c'est quand même une étude qui est assez robuste du point de vue de la structure de cette protéine. Et également dans l'actualité scientifique cette semaine, Natacha en ultra bref. Cette semaine, on comprend que les neurones du sommeil prennent, eux aussi, de l'âge. Sur des souris âgées, les chercheurs ont découvert des neurones liés à l'éveil, des neurones à hypocrétine, se font plus rares avec le temps, mais aussi plus instables et plus excitables, ce qui expliquerait pourquoi, en vieillissant, nous avons des nuits plus courtes et plus fractionnées. Cette semaine, on découvre les étonnantes facultés de navigation des éléphants de mer. Après la reproduction, les femelles quittent leur plage pour chasser et parcourent environ 10 000 km en 240 jours. Elles retournent systématiquement, dans les délais prévus, sur leur plage de reproduction pour mettre bas dans les 5 jours qui suivent. Nous ne savons pas sur quoi s'appuie cette boussole mentale. Et enfin cette semaine, il n'y aurait pas qu'une seule espèce de T-Rex, mais 3 espèces distinctes. Tyrannosaurus imperator, Tyrannosaurus regina et Tyrannosaurus rex. C'est ce que suggèrent des différences dans la forme des dents de la mâchoire inférieure et dans les os des cuisses de 38 fossiles. Mais la question fait débat chez les paléontologues. Ces différences seraient trop minimes pour bouleverser la taxonomie du roi des lézards. Et on termine chaque semaine par notre rubrique de science improbable. Natacha, cette semaine, une nouvelle qui vous tient particulièrement à cœur avec des photos qui vous ont hanté depuis quelques jours puisqu'il s'agit d'une étude sur des araignées. Oui, dans la revue Écosphère, hein, c'est une étude sur une Steatoda nobilis, une fausse veuve noire qui, contrairement à sa comparse du même nom, n'est pas vénéneuse. Mais pour la première fois, nous avons observé l'une d'entre elles en train de manger des chauves-souris, deux mignonnes pipistrelles. Alors, un chercheur britannique a étudié cette espèce protégée avec un perchoir installé dans son grenier jusqu'à ce que l'arachnide tisse sa toile à proximité. Le chercheur a d'abord découvert un bébé chauve-souris mort, momifié dans la toile, puis une pipistrelle adulte prise au piège et encore vivante, qu'il a secourue. Alors si vous vous demandez où se trouve ce 9e cercle des enfers où les araignées mangent des chauves-souris, pas besoin d'aller très loin, c'est dans le Shropshire, dans le centre de l'Angleterre. Et si ça mange des chauves-souris, ça veut dire donc que ça peut vous manger? Non. Si, je crois. Allez, bon week-end Natacha, à lundi pour le prochain Journal des Sciences. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et dans l'actualité scientifique cette semaine, il y a la guerre, bien sûr, cette terrible guerre en Ukraine qui monopolise à juste titre l'essentiel de notre attention et de l'attention des médias. Mais il y avait lundi également la présentation du second volet du 6e rapport du GIEC, auquel nous avons d'ailleurs consacré ce même lundi une émission spéciale. Mais hormis quelques émissions de radio notamment, on peut penser à nos camarades de la Terre au Carré, il faut bien constater que ce rapport a été largement occulté, faisant l'objet de petits sujets tout au mieux en fin de journal quand il a été traité tout court. Comme le relève un blog hébergé par le club de Mediapart le mardi 1er mars, aucun journal télé ou presque ne traitait l'information, aucun auteur du rapport invité en plateau, aucun journaliste environnement venu expliquer son contenu. Alors notre habitude, vous le savez, de diffuser un montage du traitement médiatique du sujet du jour, mais ma réalisatrice Hélène Trigueros m'a signifié un problème, c'est qu'elle n'a tout simplement pas trouvé suffisamment de matière pour faire ce type de montage en la quasi-absence de sujet diffusé. Il était donc difficile de faire un montage de rien. Pas de montage donc. Alors, une fois de plus, il est évident que la guerre monopolise l'attention des rédactions et, une fois de plus, à très juste titre. Néanmoins, ce constat reste assez cruel quant au rôle que les médias généralistes jouent dans la diffusion de l'information sur la crise climatique, rôle par ailleurs jugé central dans ce même rapport du GIEC qui a été si peu évoqué. Cécile Breton, on est face à une impasse, face à un paradoxe. Comment faire? Puisque s'il est évident que la guerre a son importance et qu'elle est légitime à occuper le centre de l'attention médiatique, il semblerait néanmoins que ce rapport du GIEC ait aussi sa légitimité pour occuper malgré tout une place dans les médias et d'être expliqué au plus grand nombre de nos concitoyennes, de nos concitoyens. Donc comment faire? Comment changer la façon dont l'information se diffuse, les journalistes sont toujours dans l'immédiateté et dans la hiérarchie, une information en remplace une autre. C'est d'autant plus dommage pour ce rapport qui est vraiment super intéressant et qui pour une fois intègre davantage les sciences naturelles et sociales, économiques. C'est-à-dire que là on parle vraiment de nous dans ce rapport, on parle des implications et des impacts de ce réchauffement sur la planète, enfin sur les populations humaines. Donc c'est assez inexplicable parce qu'effectivement, pour une fois, justement, on ne parle plus de choses qui sont un peu lointaines, comme le climat, comme des phénomènes qui vont arriver dans très longtemps. Là, aujourd'hui, il signale en plus que ça va arriver encore plus vite, que ça va être encore plus grave. Donc je ne sais pas. Est-ce que c'est une sorte de lassitude? J'ai entendu un chercheur en psychologie qui parle de lassitude de l'apocalypse. Je trouve que c'est un peu ce qu'on ressent aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que malgré l'implication de plus en plus importante du GIEC, justement aussi pour trouver des solutions, pour proposer des choses, il y a moins en moins de traitements. C'est d'autant plus curieux que, d'après un sondage assez récent, les gens demandent de plus en plus d'informations, justement sur l'environnement, et la presse, notamment les journaux télévisés ne répondent pas à ça. Je crois que le seul journal qui met à peu près 5% d'environnement dans ses colonnes, c'est Le Monde. 5%, c'est pas beaucoup pour un problème qui concerne absolument tout le monde et qui est urgent et grave. Voilà. Lève, vous qui êtes féru de nos nombreux biais cognitifs, comment est-ce qu'on peut décrire celui-là qui fait que face à des rapports qui devraient nous concerner toutes et tous et qui, comme le disait Cécile, surtout particulièrement ce rapport, c'est vrai que le premier volet de ce rapport qui a été publié au mois d'août était un rapport de modélisation climatique qui proposait différents schémas d'évolution du climat. Là, on est vraiment face à un rapport qui parle concrètement, qui a compilé des études, qui dit voilà exactement aujourd'hui où on en est dans le processus de réchauffement climatique et quelles en sont les conséquences et quels sont ce que disent les modèles à très très court terme, c'est-à-dire 2030, 2040 immédiatement. Et bien malgré cela, il y a une forme de lassitude ou d'invisibilisation de ces informations. Comment est-ce que vous le comprenez et comment vous l'expliquez? C'est très difficile à justifier. Et moi, j'ai juste envie de saluer un peu le travail de tous les membres du GIEC. C'est des travaux vraiment monstrueux qui sont faits de synthèse. Et c'est vraiment une tâche très très difficile. Et malheureusement, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un marché de l'attention qui est vraiment un combat constant pour de l'attention. Et je pense qu'on le voit très bien dans les médias classiques et on le voit également dans les réseaux sociaux. Et l'une des grandes problématiques qui se pose aujourd'hui, à mon sens, c'est le problème de la priorisation d'informations. Quelles sont les informations qui devraient davantage être mises en avant, à la fois par les médias classiques, mais également par les algorithmes de recommandation qui jouent un rôle si important dans ce à quoi les gens vont prêter attention. Et je pense que le problème n'est pas restreint malheureusement uniquement à ce problème du changement climatique. Pour parler un peu de l'Ukraine aussi, aussi il y a beaucoup d'efforts pour noyer certaines informations, notamment des images de la guerre. Et donc il y a vraiment un combat de l'attention permanente, et c'est sûr que certaines informations sont beaucoup plus vendeuses, aguicheuses et attrayantes pour le grand public que malheureusement des discussions un peu techniques ou un peu effrayantes de changement climatique. Et puis c'est le fameux blog de Mediapart que je citais, dont on va vous mettre le lien sur le fil Twitter, relevait par exemple le mardi 1er mars, il n'y a donc aucun sujet, notamment sur le journal de TF1 qui à 13h pour autant consacre un sujet au carnaval de Venise. Donc là effectivement, quand on parle de priorisation de l'information, ça peut interroger, d'autant que si on comprend aujourd'hui que la guerre prenne évidemment et encore une fois très légitimement beaucoup de place dans l'information généraliste, on peut se souvenir qu'au mois d'août dernier, le rapport du GIEC avait été largement éclipsé par une autre information qui était le transfert de Lionel Messi. Donc qu'est-ce que ça vous inspire, Vincent? C'est assez rageant, effectivement, de voir cette hiérarchisation de l'information. D'autant plus qu'effectivement, avec la guerre en Ukraine et avec auparavant aussi l'urgence qui a mobilisé une puissance médiatique énorme face au Covid, on a deux exemples forts de volontarisme médiatique et de moments où on peut mobiliser sur un sujet unique pendant des jours et des jours, voire des mois, sans peur de lasser. On parlait tout à l'heure de lassitude médiatique, effectivement, ça peut jouer, mais bon, on a parlé du Covid pendant extrêmement longtemps sans avoir peur de lasser les gens. Donc, l'enjeu serait d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut mobiliser comme ça sur le Covid pendant deux ans, sur la guerre en Ukraine pendant des semaines et des semaines, quels seraient les mécanismes à mettre en place pour avoir les mêmes ressorts sur le climat. Alors effectivement, il y a un effet de long terme qui joue en défaveur de l'urgence climatique. Pour autant, quand on regarde un sujet technique comme le Covid, tout le monde s'est mis à parler d'ARN messager dans les médias, tout le monde est devenu spécialiste d'épidémiologie. On pourrait avoir, je pense, les mêmes arguments, les mêmes débats un peu techniques sur la climatologie. L'argument de la technicité du climat n'est pas forcément convaincant. Je pense juste malheureusement qu'il y a un effet panurgique dans ces médias-là et qu'il faudrait beaucoup de formation également pour les journalistes, les généralistes. Je pense que ce sera important de mieux former à ces sujets, mieux sensibiliser la presse généraliste à des sujets qui sont mal maîtrisés, je pense. Alors aussi, on peut évidemment regarder la façon dont ce sujet n'a pas été traité, en l'occurrence, ou très très peu traité. On peut le déplorer. La question, c'est évidemment retourner à notre pratique, à nous, personnellement, en tant que passeur, passeuse de sciences, vulgarisateur et vulgarisatrice. Cécile Breton, comment est-ce que nous, on peut précisément essayer de contrebalancer ce système-là? Quelle est la façon, parce qu'on peut entendre aussi cette lassitude de l'apocalypse que vous décriviez. On s'est aussi posé plusieurs fois à ce micro la question de dire comment continuer à informer sur les modifications climatiques sans être nécessairement dans l'alarmisme ou dans le catastrophisme, mais sans non plus être dans le solutionnisme. Enfin, on a nous aussi, dans notre travail à nous, un couloir relativement étroit, ou en tout cas des vraies problématiques sur la manière de transmettre cette information. Je pense que je ne suis pas sûre que nous, on puisse faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Je crois que c'est plutôt aux journalistes généralistes d'intégrer ce sujet comme un espèce de sujet global qui finalement, la solution, ce serait peut-être d'intégrer ce sujet à l'ensemble des autres sujets. C'est-à-dire que ouais, je crois qu'il y a un exemple. J'ai vu un exemple il n'y a pas très longtemps dans un journal télévisé. On parle du réchauffement climatique et ensuite on se félicite de construction, que le secteur du bâtiment repart. Donc il n'y a pas de logique en fait dans l'esprit des gens. Et surtout, je me demande si finalement, au lieu d'essayer de supplanter les autres sujets, on ne devrait pas intégrer cette vision à long terme. Enfin, à long terme, c'est même plus tellement du long terme maintenant. À l'ensemble des autres sujets, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les guerres, est-ce que les épidémies ne vont pas se multiplier? Donc, on a là des exemples de ce qui risque de se multiplier à l'avenir avec le Covid et avec la guerre en Ukraine, avec les déplacements population, etc. Donc, est-ce qu'on peut pas glisser une espèce de logique comme ça dans la presse généraliste? Je sais pas. C'est peut-être une solution. D'un autre côté, j'en ai pas tellement plus. Effectivement, le catastrophisme, c'est pas une bonne idée dans le sens où on le surdéveloppe parfois pas à bon escient. C'est-à-dire que encore un autre exemple de presse, justement comme vous parliez très justement des problèmes de formation des journalistes, on m'avait rapporté un exemple comme quoi il y avait une journaliste locale qui avait parlé des pluies cévenoles comme une conséquence du réchauffement climatique, par exemple. Oui. Alors que ça n'a rien à voir, ça a toujours existé. Enfin, donc il y a vraiment un problème de formation des journalistes généraux, je pense, et il faudrait que ce sujet soit un peu omniprésent, un peu en filigrane, que les événements soient vus à la lumière de ce qui va arriver bientôt, enfin ce qui va et ce qui est en train d'arriver, hein. Parce que justement ce rapport du GIEC, il part des premiers exemples, des conséquences concrètes, hein, de ce qui arrive à des populations qui sont encore lointaines, puisque les premiers touchés vont pas être des sociétés occidentales riches, quoi. On peut rappeler que ce rapport dit déjà que nous sommes à 1,1 degré, que les 1,5 degrés qui sont donc normalement l'objectif des accords de Paris vont être atteints de manière certaine d'ici 2030, donc dans 8 ans, c'est-à-dire demain, que donc on est sur des objectifs de 2,7-3-4 degrés d'ici 2100, donc on est vraiment sur le haut de la courbe. Ce rapport rappelle aussi que la moitié de la population mondiale, 3,6 milliards de personnes, sont aujourd'hui directement touchées et concernées par les conséquences du rapport climatique. Et pourtant, alors il y a une chose sur laquelle j'aimerais bien vous entendre, là, c'est cet effet que moi je qualifie de Pierre et le loup, c'est-à-dire de dire que comme ça fait des années et des années qu'on crie au loup et qu'on dit voilà, ça va nous arriver, là on est en train de nous dire c'est en train d'arriver, et pourtant, eh bien, on connaît la fable et le conte, eh bien, à force de crier au loup, plus personne n'entend. Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'une forme de saturation de ce message, et maintenant qu'on est au pied de la catastrophe, une sorte de fatalisme en fait? Ouais, c'est tout à fait possible. En plus, à cela se rajoute le fait qu'il y a des problèmes il y a d'autres problèmes, qui sont d'une certaine manière liés au changement climatique, mais qui sont des problèmes qui sont difficilement, en tout cas pour parler de science, difficiles à relier directement au changement climatique, comme le Covid et comme les événements du Capitole aux États-Unis, la guerre en ce moment en Ukraine. Et donc c'est vrai que ça fait beaucoup de problèmes à la fois auxquels il faut se préoccuper. Donc il y a sans doute une surcharge mentale à penser à tous ces problèmes à la fois. et peut-être une facilité à dévier vers d'autres sujets peut-être plus attrayants. Comme le carnaval de Venise. Comme le carnaval de Venise, par exemple. Et donc, je pense que c'est vraiment important de se dire que d'un point de vue, je pense qu'on a pas mal un raisonnement avec l'idée que le public est un consommateur et qu'il y a une certaine relation entre les deux, mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir à l'échelle de toute la société. Il y a vraiment un enjeu de société qui se pose, de priorisation de l'information à l'échelle de la société, et ça passe par pas mal de choses sur par l'investissement, le financement par exemple de différents médias en fonction notamment des sujets abordés. Est-ce qu'on va laisser par exemple des personnes uniques, milliardaires, posséder beaucoup de médias et contrôler un peu plus l'information telle qu'ils le veulent. Et puis à l'échelle des algos et de recommandations, est-ce qu'on va laisser des entreprises décider de quelles sont les informations qui vont être priorisées, ou est-ce qu'on faudrait pas envisager d'autres alternatives où beaucoup plus de gens sont impliqués sur ce travail de priorisation de l'information. Tout ça, c'est un des projets sur lesquels on travaille, un projet tournesol pour essayer de prioriser l'information, de déterminer collaborativement comment est-ce qu'on doit prioriser l'information, dans notre cas sur YouTube. Oui, et vous nous en parlerez d'ailleurs là tout à l'heure de ce projet tournesol. Peut-être un mot de conclusion, Vincent. Il y a aussi quelque chose de significatif, et on a le sentiment aussi, et c'est l'un des points forts de ce rapport du GIEC, ou peut-être Cécile, vous nous direz aussi un mot là-dessus, c'est que outre ce constat, qui est effectivement un constat assez terrible, une grande partie de ce rapport nous dit que l'adaptation est possible, que l'adaptation a déjà commencé, et donc est à l'inverse finalement d'une sorte de constat fataliste en disant voilà, on est au pied du mur, la catastrophe est en train de nous tomber dessus, mais dit au contraire, nous avons déjà commencé à réduire, nous avons déjà fait des efforts qui sont certes insuffisants, mais néanmoins l'adaptation est possible et on peut continuer à travailler, on peut continuer à amplifier ces efforts. Donc il y a tout de même là aussi un changement de paradigme, ou en tout cas un changement d'adresse qui permet normalement d'éviter justement cet effet catastrophiste, quoi. Oui, on peut trouver un côté assez enthousiasmant dans l'aspect assez systémique en fait de ce rapport du GIEC, qui est hyper intéressant, et notamment un schéma dans le rapport en triangle qui est hyper hyper bien fait. On voit d'un côté les problèmes climatiques, de l'autre les problèmes de biodiversité et de faune, et de l'autre les sociétés humaines. Et en fait, ces trois pôles sont interdépendants. Et en fait, en prenant soin de la nature et de la biodiversité, en restaurant des mangroves, des forêts, on aide à lutter contre le changement climatique, et on aide aussi à la résilience parce qu'on a moins de submersion marine, on a moins de dégâts sur les cultures. Donc en fait, une espèce de cercle vertueux aussi qui peut s'enclencher en faisant des efforts qui peuvent à la fois nous aider à rendre les économies moins vulnérables, à rendre les écosystèmes plus soutenables, et donc aussi à faire tampon sur le changement climatique qui en partie ne sera inévitable de toute façon. Mais effectivement, il n'y a pas de fatalisme, dans le sens où c'est aussi important de rappeler ce que dit le GIEC, que chaque demi-degré, chaque dixième de degré compte. Si on prend l'exemple des coraux, à 1,5 on en perd déjà 90%, donc c'est terrible, c'est presque inévitable, et à 2 degrés c'est 99%. Donc il y a de toute façon toujours un pire possible, et en un sens c'est enthousiasmant parce qu'on peut éviter ce pire possible. Oui, mais moi ce qui m'a marqué pour conclure peut-être, Cécile, c'est qu'effectivement par rapport au rapport précédent, et puis c'est ce dont on parlait d'ailleurs lundi dans l'émission avec deux co-auteurs de ce rapport, c'est de dire que finalement ce rapport dit aussi que nous avons commencé à nous adapter, que cette adaptation elle n'est pas c'est pas quelque chose qu'il faut mettre en œuvre et débuter à partir de rien maintenant de manière urgente, mais que nous avons déjà commencé à limiter d'une certaine manière notre effet, et que même si c'est encore vraiment largement insuffisant, on est dans un mouvement qui est un mouvement positif et qu'on peut faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas totalement impuissant et qu'on va pas se prendre ce mur de plein front. Et ça je trouve que là aussi il y a vraiment une forme de transformation du discours qui est assez importante et qu'il faut relayer. Oui, je pense qu'ils ont effectivement essayé d'amener ce point positif. Tout le monde a cherché des solutions. Spontanément, on est obligé de s'adapter. Maintenant, comme vous le dites, est-ce que ça va être suffisant? Mais je pense qu'il y a eu aussi une espèce de volonté de motiver à trouver des solutions concrètes et globales à ces problèmes. D'ailleurs, par exemple, ils ont fustigé aussi les pays pays qui construisent des digues qui ne sont pas des solutions à long terme et qui se protègent. Enfin, voilà, c'est un peu absurde parce que au bout d'un moment, sans réduire le mécanisme, en tout cas les émissions à gaz à effet de serre, etc., on pourra toujours construire des digues, ce sera jamais une solution, quoi. Donc, je pense qu'il y a cette volonté d'impliquer l'humanité, quoi, de montrer qu'il y a en même temps des conséquences directes visibles et qui vont se développer, et en même temps nous motiver à trouver des solutions globales. Mais c'est énorme. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment ça implique une sobriété drastique, ça implique un changement de monde et d'économie et de vie qui va être vraiment important, cette adaptation. Et maintenant, il va falloir la faire assez vite, quoi. Voilà. En tout cas, si vous voulez vous renseigner, si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans ce rapport du GIEC, je vous renvoie à l'émission spéciale que nous y avions consacrée lundi avec deux des co-auteurs, et où on fait effectivement un peu à la fois le tour du constat et également des propositions, des solutions de cette fameuse notion d'adaptation et d'atténuation qui sont au cœur de ce deuxième volet du sixième rapport. Et nous continuerons bien entendu à vous informer sur le troisième volet et sur la suite de l'évolution de l'actualité autour du changement climatique. Mayday, mayday, planète Terre en danger. Partout les vagues recouvrent les SOS. Jetés à la mer, ici ce louragan qui souffle. Il neige, pleut, dérèglement climatique. Écho du siècle où l'homme, la femme s'essouffle dans un relationnel chaotique. Échymose, pansement, grand assainissement, s'y mettre, tout perdre. Ballon bleu se dégonfle sous nos yeux. Tandis qu'on libéralise, taxe et monte les cotisations, l'État n'a qu'une pression, son bilan économique chouchoute ses entreprises de zéro, zéro, toujours plus pour la monnaie, monnaie. Tandis qu'on crève en masse, qu'augmente le nombre des messieurs dames qui peuplent les bidonvilles, mais plus pour la monnaie, monnaie. Un nouveau fléau s'abat sur nous. Que Dieu sépare les êtres, c'est l'homme qui parle. Il nous écarte, nous couvre, nous cache. Femme assujettie, c'est moi que l'on lapide, c'est moi qu'on répudie. Bouche clouée, on me coupe le clito. Terre à jamais mon être, rien ni personne pour contredire. Il reste sûr de lui, il croit qu'il a grandi par mon regard soumis. On se pense à l'abri en Occident, mais c'est bilatéral, ça nous rattrape. Le maquis, il faut contre l'ignorance, il faut résistance, pêchons la connaissance. Le savoir est pour tous. Dérèglement climatique de BAMS sur France Culture à 16h30 et quelques poussières. Premier dossier donc de ce vendredi consacré comme une semaine sur deux à l'actualité des sciences et de la recherche. On a nagé sur la Lune. Alors nager, c'est peut-être un peu ambitieux. Toujours est-il qu'il y a bien de l'eau sur la Lune sous forme de glace évidemment, et que cette eau lunaire est extrêmement précieuse dans la perspective d'installer prochainement, dans les années qui viennent, une base permanente. Et la France, Vincent, s'est associée à la prochaine mission chinoise pour aller débusquer précisément cette eau lunaire si précieuse. Tout à fait. Alors peut-être qu'on va plus skier que nager, vu que c'est de la glace, mais bon... Patiner, c'est ça. On verra ce qu'on en fait, mais il n'y en a pas tant que ça, justement. Je vais vous expliquer ça. C'est la mission Dorn, la mission française, qui sera une première pour la France, puisque ce sera le premier appareil scientifique français à lunir, normalement en 2024, donc à bord de la mission chinoise Chengdu 6. J'espère que les auditeurs sinophones... J'avais entendu Chengdu, je ne sais pas trop quelle est la prononciation. En espérant être le plus profond. Toujours est-il que cette mission doit venir donc en 2024. On ne sait pas encore exactement à quel emplacement sur la Lune, probablement à proximité du pôle sud de la Lune. Et donc cette mission, ce module, cet instrument français DORN aura pour mission de détecter du radon sur la Lune. D'où son nom. DORN, c'est l'acronyme de Detection of Outgassing Radon. Pardon encore une fois pour la prononciation. C'est aussi un hommage en fait à Friedrich Dorn, un physicien allemand, qui a donc découvert le radon en 1900. Alors pourquoi est-ce qu'on veut découvrir du radon sur la Lune ? Parce que ça peut nous aider à comprendre en fait où se trouve et comment évolue l'eau sur la Lune. Pour comprendre tout ça, je vais faire un petit peu de contexte, revenir un petit peu en arrière. En fait, on a longtemps cru qu'il n'y avait pas du tout d'eau sur la Lune, que c'était vraiment un caillou sec, absolument désertique. Ça a commencé à changer dans les années 90, notamment avec la sonde Clementine américaine en 94, qui a en fait observé des cratères qui étaient partiellement ombragés en permanence. Certaines zones étaient ombragées en permanence au fond des cratères. Et ça, c'est hyper intéressant pour les chercheurs d'eau, parce qu'au fond de ces cratères, donc, la température reste extrêmement basse, moins 100 degrés Celsius, voire moins 200 degrés Celsius. Et donc, de la glace d'eau se trouvant dans ces cratères pourrait survivre ici des milliards d'années potentiellement. Donc, on a continué l'exploration. D'autres sondes dans les années 90 et 2000, américaines, mais aussi indiennes, chinoises, les Chang'e et même Kaguya japonaises, enfin, plein de sondes ont fini par vraiment obtenir plein d'indices qui montrent qu'il y a effectivement de l'eau présente au pôle lunaire de façon relativement concentrée. Ce qui était déjà une découverte assez folle, mais qui s'est encore complexifiée quand d'autres appareils nous ont montré que l'eau était en fait présente aussi partout sur la surface de la Lune et pas seulement au pôle. C'est notamment un télescope aéroporté, le télescope SOFIA de la NASA, encore une fois, qui en 2020 a détecté des indices de présence d'eau sur la surface lunaire un peu partout. Et ça, c'était problématique pour les chercheurs. Pourquoi ? Parce que justement, sur ces zones ensoleillées, où normalement la glace aurait dû se sublimer très rapidement, c'est-à-dire passer directement de l'état solide à l'état gazeux. Parce que comme il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, ou très peu justement, je vais y revenir, les températures sont extrêmement contrastées. On peut être à moins 200 degrés à l'ombre et passer à plus 100 degrés au soleil extrêmement rapidement. Donc on ne devrait pas trouver d'eau à ces endroits qui sont régulièrement ensoleillés. Une des explications pour comprendre comment l'eau se trouvait quand même ici, ça a été de modéliser plus finement la surface lunaire. Et des chercheurs ont modélisé la surface en incorporant des dizaines de milliards de micro-zones d'ombre, des zones d'ombre parfois aussi petites que des pièces de monnaie, hein, vraiment en fait qui sont les ombres portées de tous les petits cailloux, les petits rochers sur la Lune. Et ces zones d'ombre en fait mises bout à bout représentent une surface quand même assez impressionnante et qui expliquerait que là l'eau pourrait subsister. Comment ? En venant par exemple notamment des vents solaires. On sait que le Soleil émet régulièrement des particules, en permanence des particules ionisées. C'est ce qui provoque lors d'éruptions solaires les belles aurores, par exemple, qu'on voit en Islande ou ailleurs. Aurores boréales ou australes. Aurores boréales ou australes. Elle frappe aussi du coup la Lune en permanence. Et sur le sol lunaire, ce sont notamment des protons, de l'hydrogène ionisé, qui frappent le sol où il entre en contact avec d'autres molécules, notamment de l'oxygène présent dans le régolithe lunaire. Et là, il interagit avec ces molécules, peut former des molécules d'eau. Oui. Cette eau resterait piégé dans les zones très froides à l'ombre, dans ces micro-zones d'ombre, et resterait comme ça piégé jusqu'à ce que le Soleil apparaisse, parce que le Soleil finirait par apparaître lorsqu'il monte dans le ciel lunaire ou lorsque la Lune tourne dans son orbite, suivant comment on voit les choses. Et donc cette eau finirait quand même par se sublimer, et une partie serait dispersée et perdue à tout jamais dans l'espace interstellaire. Mais une autre partie pourrait quand même retomber sur la Lune, par effet balistique en fait, tout simplement. Et pour les molécules d'eau qui auraient la chance de tomber au bon endroit, elles retomberaient à nouveau dans une zone d'ombre. Et là, elles tomberaient dans ce qu'on appelle un piège froid, c'est-à-dire elles retomberaient dans cette espèce de frigo qui les conserverait. Et comme ça, elles pourraient finir par arriver dans les zones où l'ombre est permanente, et donc s'accumuler vers ces fameux pôles. C'est un mécanisme un peu complexe que les chercheurs veulent tester avec des expériences in situ. Et donc, c'est pour ça qu'on va amener ce fameux instrument DORN français sur la Lune pour essayer de comprendre comment évolue cette atmosphère lunaire en étudiant le radon. Et alors, c'est intéressant parce que justement, vous le disiez, Vincent, on pense qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Or, c'est pas vrai. Il y a une atmosphère extrêmement ténue, mais il y a tout de même une atmosphère et ça a son importance dans la recherche de l'eau. Exactement, c'est ça. C'est une atmosphère, alors on l'estime à environ 25 tonnes, c'est-à-dire plusieurs milliards de fois plus faible que la pression atmosphérique terrestre. Donc c'est vraiment très très ténue. C'est quasiment comme s'il n'y avait rien. Malgré tout, elle est présente, notamment, je l'ai dit, à cause des vents solaires qui amènent des particules. Ces particules peuvent former du gaz, de l'eau, mais aussi d'autres gaz, du méthane, du CO2, différents gaz qui se forment comme ça avec ces protons ionisés. On a aussi des gaz qui viennent du dégazage volcanique de la Lune. Parce que la Lune était aussi très active dans son passé. C'était une boule de magma incandescente au moment de sa formation. Elle s'affroidit progressivement, mais le manteau, le cœur, s'affroidit moins vite que la croûte. Et donc, ça produit une activité volcanique. Et cette activité volcanique a fini par faire remonter des gaz à la surface. On parle d'argon, d'hélium, et donc de radon aussi, notamment. Ce fameux radon qui sert maintenant aujourd'hui, pour les chercheurs, à identifier les mécanismes de cette atmosphère. Alors, pourquoi le radon est utile pour trouver de l'eau ? Alors, parce que le radon, d'abord, ne se lie jamais à d'autres molécules. Donc, c'est un traceur extrêmement fiable pour comprendre comment évoluent les mouvements d'atmosphère. Ensuite, le radon, il ne vient pas de nulle part. C'est aussi une particule qui vient de la désintégration de l'uranium, mais qui n'est pas stable du tout non plus. Il se désintègre lui-même en quelques jours, quelques secondes, voire pour certains isotopes, et quelques jours pour les plus stables. Mmh. Et en se désintégrant, ce radon va lui-même émettre des particules, qu'on appelle des particules alpha. Ce sont deux protons de neutrons, donc en fait des noyaux d'hélium. Mmh. Et ces noyaux d'hélium vont pouvoir interagir avec l'instrument Dorn. Alors on a notre reporter Jean-François Haït qui a fait ce reportage, qui a pu entrer dans la salle blanche de l'IRAP à Toulouse, là où est fabriqué l'instrument. Donc il y a une salle extrêmement contrôlée, à température et humidité ambiante constante, où la pression est légèrement surpressurisée pour pas que les poussières entrent dans la pièce, pour que vraiment l'instrument soit au contact d'aucune poussière qui le dérègle. Et en fait cet instrument, c'est grosso modo une boîte à chaussures, 5 kilos de masse. C'était extrêmement contenu comme contrainte par les commanditaires chinois de la mission. Et il est composé notamment de cartes électroniques et de puces en silicium. Et ces puces ont la particularité d'être sensibles à ces fameuses particules alpha émises par ces radons. Et en frappant ces puces de silicium, ces particules vont émettre de l'énergie, donc un courant électrique dans ces cartes, qui ont un niveau d'énergie caractéristique, que en fait, les cartes vont pouvoir reconnaître comme étant originaires de particules alpha, et donc de radon. Et donc, suivant les courants provoqués sur ces cartes, on va pouvoir dire, tiens, là, du radon est passé, du radon a été détecté. Et donc, en détectant ces mouvements de radon, suivant des cycles journaliers, des jours de 14 jours qui durent sur la Lune, le temps de son orbite autour de la Terre, ça va nous permettre de confirmer ou pas ces modèles et confirmer si l'eau va suivre ces fameux courants atmosphériques et se cumuler comme ça jusqu'au pôle. Et alors la question, c'est une fois qu'on a trouvé de l'eau, très bien, mais comment, à quoi elle peut servir et pourquoi est-ce qu'on cherche à ce point-là de l'eau et pourquoi cette eau est si précieuse précisément sur le sol lunaire? Alors d'abord, il y a la première réponse, c'est par amour de la science, évidemment, par amour des connaissances. Je sais que ça vous suffirait, Nicolas, d'apprendre comment fonctionne l'univers, mais pour les gens un peu plus prosaïques et pour les industriels, il y a une autre raison, c'est qu'évidemment, la Lune est très précieuse, intéresse beaucoup les industriels de l'espace parce que ça coûte très cher d'amener du matériel sur la Lune. Et il y a beaucoup d'études qui cherchent maintenant à comprendre comment est-ce qu'on peut exploiter des ressources in situ, c'est-à-dire directement produire sur place ce qu'on n'a pas à transporter. Il faut savoir que dans le spatial, le coût au kilo est extrêmement cher. On a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros au kilo transportés sur les lanceurs. Et donc, si on peut économiser autant de litres d'eau transportée pour d'éventuels futurs astronautes sur des missions habitées sur la Lune, on sait que les États-Unis veulent y aller d'ici 2025 au plus tôt, mais ensuite... La Chine également. Potentiellement la Chine, année 2030. Voilà, mais la Russie, c'est un peu... au conditionnel, mais bon, ils voulaient aussi y aller. En tout cas, c'est, voilà, à bord de l'ISS, pour avoir un ordre de grandeur, on consomme 5 litres d'eau par jour, dont 4 litres qui sont recyclés, et 1 litre qu'il faut à nouveau consommer chaque jour. Donc, on aurait 1 litre par astronaute à produire chaque jour pour d'éventuels astronautes sur place, ce qui potentiellement pourrait être faisable, suivant l'état dans lequel se trouve la glace. Ce qui est moins faisable, par contre, ce serait d'imaginer utiliser l'eau comme propulseur, comme propergol pour les fusées, parce que là, il faudrait brasser des tonnes et des tonnes de roches, et ça paraît assez inconcevable d'amener des bulldozers sur la Lune pour tout ça. Pour le moment, mais qui sait. Merci beaucoup, Vincent. C'est à lire ce reportage et plein d'autres, puisque c'est l'un des 4 dossiers de ce numéro Futura, numéro 1, la revue qui rend la science accessible de la Terre à la Lune. Voilà, il y a plein de documents très, très intéressants. On en reparlera tout à l'heure à la fin de l'émission. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Si je vous demande quelle céréale est la plus cultivée au monde, vous me répondez, allez, j'aime bien, je vais faire animateur de jeu radiophonique. Je vous laisse un petit instant, vous pensez évidemment d'abord au blé, puis... Ah, vous révisez votre jugement en pensant à l'Asie, à l'Afrique, vous me dites, ah, peut-être que le riz, compte tenu de la population asiatique, à moins que le sorgho, eh bien, voilà, vous vous plantez sur toute la ligne. La céréale la plus cultivée au monde, c'est le maïs. Or, le maïs que nous connaissons est une plante évidemment domestiquée, mais qui n'a pas, ou qui n'avait pas, de version sauvage. Nous partons donc avec vous, Cécile, en quête de ce mystérieux maïs sauvage. Oui, effectivement. Alors le maïs, on sait d'où il vient puisqu'il a été rapporté par Christophe Colomb en 1493 de Cuba. Hein. C'est d'ailleurs, son nom est d'origine cubaine. En revanche, effectivement, comme vous le dites, on a cherché longtemps quelle était la plante sauvage, quelle plante sauvage était son ancêtre, puisqu'on savait que c'était une plante domestiquée, parce que rien ne lui ressemblait véritablement au Mexique, en Amérique du Sud, qui pouvait correspondre. Il y en a une lune qui a été décrit en 1832 par un botaniste allemand et qu'on appelle la Théosinte, qui était un possible candidat, mais on a mis très très longtemps à confirmer son lien avec le maïs. D'ailleurs, ça a été confirmé véritablement, il y a eu consensus qu'à partir des années 1980, donc ça a mis un certain temps. Alors pourquoi ? Parce que en fait, ces deux plantes sont extrêmement différentes. Alors vous savez que le maïs est une plante monoïque, c'est-à-dire qu'elle porte les fleurs mâles et femelles sur le même pied. Alors dans les deux cas, de la théosinte et du maïs, c'est le cas. Sauf que la théosinte, elle a une forme buissonnante, donc pas du tout l'aspect du maïs, qui a une tige vraiment principale. Elle est terminée par une petite inflorescence en haut, qui sont les fleurs mâles, qu'on reconnaît aussi sur le maïs. Par contre, les fleurs femelles sont beaucoup plus petites, celles qui vont donner les épis hein, à terme, et beaucoup plus nombreuses sur les multiples tiges. Et une de ces caractéristiques de ces épis de théosinte, c'est qu'ils sont très durs, ils sont protégés par une feuille modifiée qu'on appelle le glume et qui est extrêmement dur. Il est dur parce que à maturité, les grains tombent au sol et sont transportés par les animaux, ce qui fait qu'ils sont dispersés. Ils sont dispersés par zoochorie, c'est ce qu'on appelle la dispersion par les animaux. Donc, ils sont consommés et ce glume permet de résister aux enzymes digestives des animaux. Or, le maïs, pour le maïs moderne, les grains ne tombent pas spontanément. En fait, c'est ce qui a fait dire d'ailleurs au généticien qui a étudié le lien entre les deux espèces, enfin les deux sous-espèces, que c'était une monstruosité d'origine humaine, puisque en fait c'est une plante qui peut plus tellement se reproduire sans l'intervention de l'homme. Donc Comment a été fait? Parce que c'est effectivement, quand on regarde, on va vous mettre des photos sur le fil Twitter, quand on regarde la théosinte, on pense pas immédiatement au maïs, hein, les plantes sont assez éloignées. Comment a été fait le rapprochement et comment est-ce qu'on a fini par remonter finalement cette trace phylogénétique? Alors, à la fin du 19e, on s'aperçoit, c'est un agronome mexicain qui s'aperçoit qu'elle est interfertile avec le maïs, hein, déjà. Donc ça, c'est la première étape. Et après, il faut attendre les débuts de la génétique, les années 30, 1930, pour que donc le fameux généticien George Biddle observe que les chromosomes sont similaires entre les deux espèces et surtout que les hybrides sont interfertiles, ce qui est généralement un des caractéristiques pour démontrer que ça fait que deux plantes, enfin deux êtres vivants font partie de la même espèce. Voilà. Mais ça a été encore contesté et c'est après, dans les années 70, qu'on arrive à identifier que quatre, toujours le même chercheur d'ailleurs, arrive à identifier que quatre ou cinq gènes seulement contrôlent les différences morphologiques entre les deux parents, ce qui fait que ça explique plus ou moins pourquoi elle peut se modifier aussi facilement. Et enfin, ça a été confirmé dans les années 80 par John Dobley, encore un généticien américain. Donc la théosinte, maintenant, c'est acquis, et l'ancêtre direct du maïs, et on lui a donné un nom de sous-espèce, donc Parviglumis. Donc c'est Zea maïs Parviglumis, c'est la sous-espèce qui fait référence au glume, justement à cette espèce d'enveloppe très dure qui enveloppe le grain. Et du coup, la question qui se pose, c'est comment les premiers cultivateurs, donc les civilisations précolombiennes, puisque il faut rappeler que le maïs est vraiment au centre, hein, c'est vraiment la plante qui a permis le développement de ces empires aztèques, toltèques, etc. Comment est-ce qu'ils sont passés de cette théosinte au maïs domestiqué et humano-dépendant? Ben, en fait, ça se passe un peu partout pareil, comme toute la transition avec le néolithique, c'est ce qui se passe un peu dans le croissant fertile pour l'Occident avec le blé. C'est-à-dire que petit à petit, alors ça met un certain temps, mais avec le maïs, comme il se modifie relativement vite, ça met moins de temps en Amérique du Sud. C'est des petites communautés en fait qui vont sélectionner petit à petit des plants avec des caractéristiques les plus avantageuses pour eux, c'est-à-dire que des plants dont les graines sont peu protégées, donc toujours le fameux glume, Des épis qui produisent de plus en plus de rangées de grains, enfin de rangées des grains plus importants, et un nombre de branches qui va être réduit. En revanche, ils vont conserver notamment ce qu'on appelle les feuilles de balle, vous savez, qui enveloppent l'épi, et en fait qui a un avantage encore aujourd'hui puisqu'ils protègent des attaques des oiseaux, des insectes, enfin relativement. Donc ça passe assez vite hein, puisque donc la génétique, la chronologie par la génétique a démontré que, estime la domestication du maïs à 9000 ans à peu près, et ça a été confirmé ensuite par des fouilles. On a trouvé des restes de maïs, c'est-à-dire les phytolithes, vous savez, les concrétions de silice qui restent dans les céréales, qui sont datés d'à peu près, enfin, c'est pas eux qui sont datés, c'est les outils, hein, d'à peu près 8700 ans. C'est à peu près contemporain, à 1000 ans près des débuts de la néolithisation dans le Proche-Orient. Voilà. Je renvoie nos auditrices et nos auditeurs à une émission passionnante qu'on avait consacrée précisément aux questions de domestication animale ou végétale, et de voir comment effectivement depuis le néolithique les sociétés humaines ont été absolument forgées par les espèces qu'elles ont réussi à domestiquer. C'est une histoire totalement passionnante. Je vous laisse poursuivre. Un mot peut-être pour conclure, Cécile, qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est la pélagre italienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire, parce que se nourrir de maïs en fait provoque des carences qui peuvent être assez graves et dont sont partiellement protégées justement les populations sud-américaines et latino-américaines. Oui, tout à fait. C'est quand le maïs a été importé en Italie notamment, d'où l'histoire du nom de la pélagre. Il a provoqué des maladies qui est devenue presque endémique dans le nord de l'Italie. C'est une carence en vitamine B3. C'est l'ancienne vitamine PP qui est due à une substance qui s'appelle l'antiniacine et qui rend utilisable justement cette vitamine qui est la niacine. Donc, et ça provoque effectivement des problèmes de peau, jusqu'à des problèmes du système nerveux qui mènent jusqu'à la démence. Vraiment, c'est assez catastrophique. Alors, les populations, les civilisations, les Olmecs, les Toltecs, etc., eux n'avaient pas ce problème, tout simplement parce que, enfin, tout simplement, mais comment ils en sont arrivés à cette conclusion et comment ils sont arrivés à cette préparation? Ils préparaient les galettes de maïs, donc les fameuses tortillas, à partir de grains bouillis dans une solution additionnée de chaux, ce qui rendait la solution basique. Et c'est l'alcalinisation détruit justement l'antiniacine. Alors ça, c'est toujours assez extraordinaire de voir comment on a pu spontanément, empiriquement, en fait, arriver à éviter ce problème. Voilà, c'est mystère. Voilà, grâce à vous, Cécile, plus personne ne pourra désormais manger du pop-corn de la même façon. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Comment faire en sorte que lorsque l'on demande à un ordinateur d'apprendre, et notamment par apprentissage machine learning en version originale, non seulement il ne se trompe pas, mais il ne prenne pas en considération des données pourries ou empoisonnées qui rendraient son apprentissage imparfait. En résumé, si vous demandez à un ordinateur de reconnaître des photos de camions et que vous ne le nourrissez qu'avec des images de vélo en lui disant que c'est un camion, eh bien comment faire pour que votre ordinateur détecte la supercherie? C'est le sujet que vous avez travaillé, Lé. Oui, donc avec un nouvel article qui est sorti, qui a été publié donc à ICLR, l'une des grandes conférences en machine learning par une équipe de chercheurs de l'EPFL, donc Pranikar Imeridi, Lihe et Martin Yagi, qui propose des nouveaux algorithmes pour pouvoir mieux protéger ces algorithmes, notamment dans le cas de données hétérogènes. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, pour l'instant, le gros de la sécurisation de machine learning suppose souvent que les données sont homogènes, dans le sens où on serait tous d'accord. Donc, par exemple, reconnaître un camion dans une image, d'accord de dire « Ah, là, il y a un camion, là, il n'y a pas de camion ». Mais pour d'autres problèmes plus importants, comme par exemple la modération de contenu, est-ce que ça devrait rester en ligne ou pas? Par exemple, la recommandation de contenu, est-ce que ça, c'est un contenu qui devrait être amplifié ou non? Par exemple, le traitement du langage, la manière dont je parle, je tape par exemple sur mon clavier par rapport à la manière dont d'autres personnes tapent sur leur clavier, il va y avoir beaucoup d'hétérogénéité. Et ça, c'est un problème parce que les techniques habituelles pour sécuriser le machine learning correspondent souvent à identifier des données qui sont anormales et à les retirer. Et donc anormal, ça veut dire que différente de la plupart des autres données. Donc si tout le monde dit qu'il y a un camion dans une image et il y a une donnée qui dit en fait non, il n'y a pas de camion dans cette image, bah, ça va être facile de détecter l'anomalie puisque tout le monde était en désaccord. Mais quand il s'agit de cas hétérogènes, donc par exemple, voilà, est-ce que tel message devrait être modéré ou non, bah, il va y avoir des désaccords. Et jusque-là, en fait, il y avait très peu d'algorithmes. Il y a un autre algorithme dans lequel j'ai été impliqué qui a été publié récemment. Mais le nouvel article permet de faire ça plus rapidement que les articles précédents. Et donc c'est une nouvelle solution qui permet de rendre les algorithmes robustes tout en ne négligeant pas complètement les données qui sont différentes. Et si on pense à des applications en pratique, c'est quelque chose de très important puisque si on y réfléchit, les méthodes précédentes, elles revenaient en fait à ignorer les minorités, enfin des choses qui sont très différentes. Et donc là, on a des solutions qui sont un peu plus justes en un sens et qui sont sécurisées pour des données du coup hétérogènes. Alors, votre article, et vous allez nous l'expliquer brillamment, comme à votre habitude, prouve aussi quelque chose qui est ce que vous appelez le théorème d'impossibilité. Vous pouvez nous expliquer ça, pourquoi ? Ouais, donc ça c'est un article sur lequel j'étais impliqué qui a été publié il y a plusieurs mois à NeurIPS. Donc là le nouvel article a aussi un résultat similaire qui dit qu'en fait plus les données sont hétérogènes, donc plus il y aura de désaccords sur un sujet donné, par exemple sur la modération d'un contenu, plus ce sera difficile de protéger, et en fait il y a un théorème d'impossibilité qui dit qu'on ne pourra pas vraiment protéger le système à des attaques d'utilisateurs malveillants. Donc, pour bien se rendre compte de l'importance de ce problème, on peut insister sur le fait qu'il y a beaucoup de campagnes de désinformation actuellement sur les réseaux sociaux. Dans le cas de la Russie, il y a beaucoup de campagnes de désinformation. Peut-être pour donner un chiffre, Facebook, au cours des deux dernières années, a retiré 15 milliards de faux comptes de sa plateforme. Et donc, c'est vraiment important de protéger. Mais même si on met beaucoup d'efforts, on ne pourra pas supprimer tous les faux comptes parce que c'est vraiment difficile à détecter. Et donc, le théorème d'impossibilité qui a été prouvé dans cet article dit que plus les sujets sont hétérogènes, plus il y a des désaccords au sein des personnes honnêtes qui agissent normalement, plus ce sera facile pour des campagnes de désinformation de manipuler les algorithmes et de les faire, par exemple, recommander telle ou telle sorte de vidéo que la majorité ne voudrait pas forcément recommander. Donc il y a une implication directe entre hétérogénéité et manipulabilité qui est assez préoccupante, et cet effet est d'autant plus grand qu'on considère des modèles de très grande dimension, des modèles de très complexes qui ont beaucoup de paramètres, c'est ce qu'on entend par grande dimension. Parce que lorsque les modèles sont très complexes, ça revient à dire qu'ils vont regarder beaucoup dans les détails, et dans les détails, il y a beaucoup de différences entre les comportements de différents humains. Si on regarde vraiment à la virgule près, la manière dont les gens tapent, bah, on peut vraiment faire la différence entre différentes personnes. Et du coup, on observe beaucoup d'hétérogénéité. Et donc, le théorème d'impossibilité dit que ça va impliquer beaucoup de manipulabilité. Et ça, c'est très préoccupant dans le cadre de la course à la performance actuelle. Donc il y a beaucoup de recherches, notamment en traitement du langage, sur la conception, mais également en algorithme de recommandation, sur des algorithmes de toujours plus gros. Il y a quelques années, on avait dépassé le milliard de paramètres. Maintenant, on est à 1000 milliards de paramètres. Il y a un article de Google en début d'année qui annonçait 1000 milliards de paramètres. Il y a un article en fin d'année 2021, en fin d'année 2021, qui annonçait 100 000 milliards de paramètres. Donc voilà, on a des modèles de plus en plus gros, et donc c'est assez préoccupant parce que, a priori, ça veut dire qu'ils vont être aussi de plus en plus manipulables par des campagnes de désinformation. Merci beaucoup, Lay, pour ces explications. Merci beaucoup à tous les trois. Vincent Lucchese, donc, Futura, le numéro 1. De la Terre à la Lune, 4 questions scientifiques pour explorer 2022, 4 gros dossiers sur également la génétique, comment nourrir le monde sans le détruire, l'IA peut-elle vraiment devenir intelligente ? C'est à trouver en kiosque, en librairie, dans toutes les bonnes librairies. Cécile Breton, à la une de la revue Espèces. La domestication des plantes, justement. Mais justement, quel hasard. Un lien avec les prémices dans le monde animal et sur les débuts du néolithique, justement, le début de la fin. Et Len Guyenoang, peut-être une prochaine vidéo sur Science for All. Je vais peut-être faire une prochaine vidéo sur Don't Look Up et parler justement de la crise d'information. Ça, on est également dans l'actualité. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à nos camarades de France Bleu Fréquence Zamora pour le duplex depuis Bastia. La méthode scientifique, c'est Alexandra Delbo, Natacha Triou, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Hélène Trigueros à la réalisation, d'Alia à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, en réécoute sur franceculture.fr. Et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.